philosophie, digne de ce nom, n'existe qu'à la condition d'être sans cesse en question, sur le qui-vive, et de recommencer toujours. Il y a même des moments où j'ai tant de respect pour la philosophie que je crois qu'elle n'existe vraiment que chez celui qui la trouve, et qu'elle ne saurait ni se transmettre, ni s'enseigner. Nous avons de grands écrivains en France. Vous avez Proust. Ah, Proust, la concierge de génie. Aujourd'hui, on va parler de Marcel Proust et de son œuvre principale, À la recherche du temps perdu. Ça y est, Monsieur Swann est parti. Maman va enfin pouvoir monter me dire bonsoir. J'irai bien refaire un tour du côté de chez Swann. Proust, évidemment, se trouvait dans le monde. Il raconte le monde, n'est-ce pas? Ce qu'il y voit. Puis, enfin, les petits drames de la pédérastie. Bon, très bien, bon. Bah, c'est bien écrit, hein. Mais c'est long, quoi. Le temps du bonheur, à l'ombre d'une fille en fleurs. Pour la première fois, vous aussi, vous allez pouvoir attraper des madeleines. Bonjour Luc Fraisse. Bonjour Adèle. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci à vous. Vous êtes professeur de littérature française à l'université de Strasbourg. Vous avez publié beaucoup d'ouvrages sur Marcel Proust. Celui qui nous intéresse aujourd'hui s'appelle L'éclectisme philosophique de Marcel Proust. Il est quasiment aussi épais que La recherche du temps perdu, non? Eh oui. Hein? Ça montre à quel point ça inspire. Alors on a entendu un mix concocté par Nicolas Berger où on entend tous les clichés véhiculés autour de La recherche du temps perdu. Que ce soit Albert Cohen qui décrit Proust de concierge de génie, l'écrivain Louis-Ferdinand Céline qui parle d'écrits pédérastiques, le cliché autour de la Madeleine du côté de chez Swann. Bref, beaucoup de choses ont été dites autour de La recherche du temps perdu. Mais j'ai lu en tout début d'émission quelques lignes de Sainte-Beuve dans ses portraits littéraires, celui-ci autour de Victor Cousin, qui parle d'une certaine approche philosophique qui, selon vous, se retrouve dans La recherche du temps perdu de Marcel Proust. C'est une sacrée thèse. Oui, vous savez, j'aime beaucoup cette expression concierge de génie, parce que ce qui frappe chez Proust, c'est que, justement, bon, c'est une œuvre qui a une certaine hauteur, hein, comme dit une personne qu'on a entendue, c'est bien écrit, mais qu'est-ce que c'est long. Ouais. Et de notre côté, il a une popularité tout à fait inattendue. Quand on porte Proust à l'écran, je suis toujours étonné de voir apparaître, surtout maintenant qu'on a les réseaux et l'Internet, que les Français s'inquiètent. Ils viennent voir si on n'a pas abîmé leur Proust. Qu'est-ce que ce cinéaste a fait de notre Proust. Et donc, c'est un élément du patrimoine qui, finalement, peut arriver presque à descendre dans la rue, alors qu'effectivement, il y a pas mal de philosophie dans ce livre. C'est un des écrivains les plus avertis en philosophie que nous ayons dans la littérature française. Il y a peut-être que Sartre, qui sans doute est encore plus philosophe que Proust, mais chez lui, rien n'est approximatif. Je vous lis quatre lignes. On parlera peut-être de Fernand Gregg qui est devenu poète, hein, et les plus beaux jardins sont où l'on n'entre pas, mais qui a été agrégé de philosophie. Et alors un jour, Proust lui écrit après 10 ans après. Ils étaient en cours ensemble. Hein. Exactement, ouais. Ils étaient au lycée Condorcet. Te rappelles-tu ce qu'on nous disait de la métaphysique d'Aristote? Avant lui, l'erreur des matérialistes, croyant par l'analyse trouver la réalité dans la matière, l'erreur des platoniciens, la cherchant en dehors de la matière dans des abstractions, Aristote comprenant qu'elle ne peut être dans une abstraction, qu'elle n'est pas pourtant la matière elle-même, mais ce qui, en chaque chose individuelle, en est en quelque sorte la matière, le sens de sa forme et la loi de son développement. Voilà ce qu'a à dire Proust quand il est devenu écrivain et que ses études sont derrière lui. Donc il a une mémoire phénoménale, à cause de quoi par exemple il ne date pas ses lettres. Parce que pour lui, tout est à sa place dans le temps et dans l'espace. Il n'y a pas besoin de le noter. Et donc, cette culture encyclopédique qu'on lui a donnée en philosophie, bien sûr, il ne retient pas tout, mais il en retient terriblement beaucoup. Mais pourquoi vous, qui avez tant écrit sur Proust, vous êtes-vous intéressé à cette question en particulier? Est-ce que c'est parce que montrer que Marcel Proust aurait pu être philosophe, car c'est aussi ce que vous soutenez, est une manière de cautionner certaines choses de La recherche du temps perdu? C'est comme s'il lui manquait ça. Enfin, est-ce que c'est pour prouver quelque chose? Pourquoi est-ce que c'est important de dire qu'il y a une dimension philosophique dans La recherche? D'abord, c'est important parce que, comme la philosophie, l'aspect philosophique, c'est un peu la face nord de La recherche du temps perdu, les gens qui se sont colletés à cette question ne se sont pas, si vous voulez, bousculés en nombre. Donc, je me suis dit, c'était un sacrifice? Non, pas un sacrifice, parce que moi-même, quand j'ai quitté la classe de Cagnes, j'ai beaucoup souffert de quitter la philosophie pour faire des lettres. Mon professeur professeur de lettres m'a dit, mais vous la retrouverez, mais autrement. Et moi, je me disais, j'aurais bien aimé la conserver mêmement. Et donc, comme je n'ai pas pu le faire, ben voilà, alors Proust. Mais c'est de Proust qu'il s'agit. Et il est certain que, oui, Proust conserve dans son œuvre des souvenirs de la philosophie. Ça commande parfois les structures complètes de son œuvre, ça commande parfois une scène, ça commande parfois des plaisanteries, parce que le paradoxe, c'est que cette œuvre qui est très philosophique, eh bien, on ne peut pas dire que le personnage du philosophe soit prégnant, il n'y en a pas. On ne sait pas pourquoi le professeur Brichot, qui enseigne tout, le latin, la littérature française, et la critique de la raison pure de Kant, dont il s'excuse, pour laquelle il s'excuse de l'enseigner comme si c'était un livre un peu licencieux, donc qu'on va chercher en quoi, hein, bon. Et il y a le philosophe norvégien, qui est le seul, peut-être, à peu près, qui apparaît dans La Recherche du Temps Perdu, dans Sodome et Gomorre. Il vient d'arriver chez les Verdurin à la Raspelière, hein, sur la côte normande. Et alors, ce philosophe norvégien, il a quand même son histoire, parce que Proust a vu débarquer, dans ces années 1910, suédois, un certain Algot Roux, qui était un divulgateur de la philosophie de Bergson dans ce pays. Hein. Bergson a connu un pic, un sommet de notoriété en 1912, l'année avant, du côté de chez Swann. Et donc, Algot Roux demande à rencontrer Proust. Il sait qu'ils sont cousins avec Bergson. Il se fait introduire. Et quand il a été dans la chambre de Proust, il le trouve tout à fait antipathique. Il trouve que ce personnage qui est tout habillé dans son lit, qui a des regards fortement sous-entendus avec sa femme de chambre, c'est un piège quand on est là. Et donc à partir de là, ils sont repartis chacun en s'étant trouvés antipathiques et en se tournant le dos, ils ont écrit chacun de leur côté. Proust a introduit dans Sodome et Gomorre le philosophe norvégien qui, nous dit-il, parle lentement et on ne sait pas si c'est surtout parce qu'il est norvégien ou surtout parce qu'il est philosophe. Mais ce qu'on sait moins, c'est que Algot Roux, quand il est reparti là-bas en Suède, a écrit un roman d'amour qu'on connaît peu, sans doute parce qu'il est assez mauvais, mais dans lequel, sous le nom des noms d'emprunt, il décrit très précisément ces passages dans la chambre de Proust et comment on en parlait aussi chez les Bergson. Donc, mais c'est le seul philosophe qui est dans la recherche du temps perdu. Alors parfois, il y a des philosophes cachés. Robert de Saint-Loup, le fringant jeune aristocrate qui aura, peut-on dire, une si belle mort aux champs d'honneur dans le temps retrouvé. Eh bien, Robert de Saint-Loup fait allusion à la lecture commune avec le héros de la monadologie de Leibniz. Et en fait, c'est une sorte de philosophe caché. Et puis alors, eh bien, le héros est narrateur de La Recherche du Temps Perdu. Alors là, ça c'est un grand problème. D'ailleurs, voyez, il n'a même pas de nom. C'est dire que il est fait pour ne pas être situé, et y compris par rapport à la philosophie. Notre commun professeur, ce cher Darlu, tout en nous criblant de moqueries que lui inspirait notre premier barbotage dans les concepts de la philosophie, nous a tous instruits à penser. Proust prenait avec Darlu des leçons particulières, et même après son baccalauréat passé. Il avait 20 ans déjà qu'il m'écrivait « Je ne puis venir tel jour, car j'ai une leçon avec Darlu ». Il possédait d'ailleurs le sens philosophique, et il m'a écrit, par exemple, à propos de la théorie de la chance de Maeterlinck, une lettre des plus intéressantes qui montre en lui l'intelligence analytique la plus aiguë. Difficile de parler du rapport de Proust à la philosophie, Luc Fraisse, sans mentionner son professeur de philosophie, Alphonse Darlu, professeur qu'il a eu en commun avec son camarade Fernand Greg, que vous venez d'entendre, c'est en 1954. Tout à fait. On a là une véritable pépinière de talent, hein, au lycée Condorcet et dans la classe d'Alphonse Darlu. Alors Alphonse Darlu, évidemment, nous le connaissons maintenant surtout parce qu'il a été le professeur de philosophie de Proust, mais il a joué un rôle assez important dans son époque. Je rappellerai qu'en 1893, ce qui est l'année où Proust commence à préparer sa licence de philosophie, il fonde avec Xavier Léon la revue de métaphysique et de morale, n'est-ce pas ? Donc c'est évidemment très important et on peut comprendre qu'il avait une aura à l'égard de ses élèves qui est assez considérable. Le même Fernand Greg ne le raconte pas là, mais a écrit dans ses souvenirs que Alphonse Darlu posait sur son bureau son chapeau haut de forme hein, qu'on avait à l'époque, et qu'il le prenait toujours comme exemple de la réalité, du traitement de la réalité. Et Fernand Gregg, qui est aussi poète, dit qu'il paraissait un prestidigitateur qui faisait sortir le monde, tout le monde réel de ce chapeau. Hein. Donc, effectivement... Ce serait la philosophie, ça ? Une sorte de tour de magie ? Ah, alors je ne veux pas me faire trop d'ennemis, chère Adèle, donc je ne vais pas vous répondre. Je vous laisse la responsabilité de cette hypothèse. Il est certain que quand Proust arrive dans la classe de Darlu, c'est un événement pour lui, parce qu'il a quand même un esprit qui fourmille d'analyse, et ça va être le moment de la révélation. Et en cela, il donne raison à Bergson. Bergson, on envisageait déjà, à la fin du 19e siècle, de faire commencer l'enseignement de la philosophie par bribes avant la dernière année, qu'on appelait l'année de philosophie. Et Bergson dit il ne faut pas le faire. Il faut que ça intervienne avant le baccalauréat, juste avant le baccalauréat, à la fin des études secondaires, d'un coup. Et finalement, cette rencontre illuminante de Darlu par Proust donne raison à cette idée de Bergson. Donc Bergson n'aurait pas été en faveur de l'enseignement de la philosophie avant la classe de terminale. Ah oui, tout à fait. Et il me semble, effectivement, bon, il faut quand même un minimum de maturité hein, pour faire de la philosophie. C'est un peu illusoire, la philosophie racontée aux enfants. C'est une idée pédagogiste qui n'est pas forcément la plus remarquable. Et donc, il avait raison. Et c'est vrai que pour Proust, on a une lettre extraordinaire. Proust arrive là le 1er octobre 1888 et le 2 octobre, il écrit à Darlu, qui ne le connaît pas, une lettre très circonstanciée qu'il appelle une consultation morale. Et il lui dit qu'après l'avoir entendu, il voudrait lui poser le problème qu'il a, qui est que depuis plusieurs années, il souffre d'un phénomène de dédoublement intellectuel. C'est-à-dire que même quand il lit de la poésie, eh bien, son intellect travaille et l'observe en train de lire et de goûter cette poésie. Mmh. Et alors, comment fait-on pour être spontané? Eh bien, pour goûter la vie, pour goûter la saveur de la vie, quand on a cet appareil intellectuel qui tourne derrière. Et donc, il demande à Darlu, eh bien, ce qu'il faut faire. Attendez, alors, c'est-à-dire que Proust décrit un phénomène d'examen de lui-même, voilà, comme une petite voix intérieure. Oui, et qui le perturbe. Qui le perturbe. Et se tourne vers son prof de philo pour comprendre ce que c'est que cette voix. Oui, pourquoi, voilà ce qui m'arrive. L'intellect double ma sensibilité et nous sommes deux en permanence et l'intellect me gêne dans l'exercice de ma sensibilité. Évidemment, ça donnera les 3000 pages analytiques du narrateur de la recherche du temps perdu. Donc, c'est-à-dire qu'à l'origine, c'est un conflit entre l'intellect et la sensibilité. Oui. Et oui. Parce que justement, on lit La recherche du temps perdu comme étant une manière, peut-être à la suite de Bergson, on va y venir, Luc Fraisse, de dépasser cette opposition entre l'intellect et la sensibilité. C'est sans doute pour ça que vous évoquiez tout à l'heure le fait que Proust ait eu la possibilité, lui aussi, de faire des études de philosophie après tout. D'ailleurs, sa théorie de la mémoire involontaire, du souvenir involontaire, pouvait donner lieu à une thèse de philosophie tout à fait originale. On peut lire des thèses de l'époque qui portent sur les mêmes sujets, qui n'ont pas l'originalité de l'idée de Proust. Mmh. Et donc, il s'est tourné vers le roman pour dépasser ce clivage. Et il y a même quelqu'un comme Vincent Descombes qui avait dit dans un livre en 1987, Proust, philosophie du roman, que voulait dire ce titre, c'est qu'il disait, attention, Proust va plus loin en philosophie par le roman que le roman va plus loin en philosophie que la philosophie. Mmh. Proust est plus un philosophe plus original quand il met en scène son monde romanesque que même quand il raisonne. Et donc, on voit cela. Mais il s'est posé la question. Hein. En 1908, on a une phrase dans un carnet où il se dit pour lui-même « Faut-il en faire de la philosophie? Suis-je romancier ?» Et donc, il s'est posé lui-même cette question. Il a connu un arrêt à cette croisée des chemins. Et finalement, il est parti dans le roman. Et d'ailleurs, ce qu'il dit à Algot Roux, le philosophe norvégien, suédois. Voilà, suédois qui est dans sa chambre et qui lui commence à lui parler des antinomies ou que sais-je. Il lui dit, oh, vous savez, moi, je m'occupe de la vie. Je suis écrivain, littérateur, romancier. Bon. Et d'ailleurs, avec une certaine mauvaise foi. Parce que quand la critique ne comprend pas son roman, il dit, ah, mais oui, mais c'est parce qu'il y a de la philosophie. Et quand il a un philosophe en face de lui, il dit oh, « Moi, vous savez, les abstractions, moi je m'occupe de la vie, je suis un littérateur. » Alors qu'il sait très bien par ailleurs ce qu'il faut entendre par philosophie, c'est-à-dire qu'il joue un double jeu. Mais est-ce que peut-être qu'il faut définir aussi ce qu'on entend par philosophie, ce n'est pas simplement une discipline ni une manière de raisonner. Proust développe dans La recherche du temps perdu une véritable thèse au sujet de notre rapport au temps. Oui, tout à fait, bien sûr. Une thèse qui est d'ailleurs assez, enfin, assez curieuse, parce que ce phénomène de mémoire involontaire, d'abord, n'était pas exactement identifié à son époque. Hein. On vous dira que déjà Aristote disait, il y a la mémoire spontanée, la mémoire réfléchie, mais enfin, la mémoire spontanée de, bon, il y a Bergson, hein, le souvenir image, on pourrait y revenir, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, il a sa doctrine, mais ce qu'il y a, c'est que il présente comme accessible à tout le monde les phénomènes de mémoire involontaire, alors que je crois qu'il y avait une statistique à son époque qui essayait de voir ce genre de choses. Il y avait 12% de la population. Alors, il faut savoir de quoi nous parlons quand on parle de phénomène de mémoire involontaire. Tout le monde n'a pas ces événements en tête et ces pages de la recherche du temps perdu en tête. Et surtout, Luc Fraisse, il faut bien insister sur le fait qu'il y a différentes méthodes pour parler du rapport de Proust à la philosophie. Jusqu'à présent, nous avons parlé des méthodes biographiques, celles contre lesquelles Proust s'oppose dans son ouvrage Contre Sainte-Beuve, dont on parlera jeudi. Pour le dire rapidement, il y a deux manières de parler d'un roman. On peut parler soit du roman lui-même, soit penser que le roman s'indexe sur la biographie de son auteur. Proust n'est pas d'accord avec ça. Pourtant, c'est aussi une méthode qu'on emploie souvent pour parler de la recherche du temps perdu. Donc, je vous propose qu'on plonge dans cette recherche et qu'on prenne un exemple justement de description de ce que vous avez appelé la mémoire involontaire. On va d'abord plonger dans l'ambiance grâce à une ambiance cinématographique, hein, justement, et puis quelques lignes de la recherche du temps perdu dans Le Temps retrouvé. Et vous nous direz ensuite, Luc Fraisse, de quelle manière ces lignes-là sont le reflet d'une certaine philosophie telle qu'elle était enseignée à l'époque où écrit Proust. C'est quelquefois au moment où tout nous semble perdu que l'avertissement arrive qui peut nous sauver. Mon découragement venait de s'évanouir devant la même félicité que m'avait donnée jadis la saveur de la madeleine trempée dans une infusion un jour d'hiver. La sensation que j'avais ressentie jadis en trébuchant de la même manière sur deux dalles de la place Saint-Marc venait de me rendre Venise avec toutes les sensations de ce jour-là. Si monsieur veut bien attendre un moment dans la bibliothèque, la princesse a défendu qu'on ouvre les portes du salon pendant l'exécution du morceau. Tant de fois, au cours de ma vie, la réalité m'avait déçu parce qu'au moment où je l'apercevais, mon imagination, qui était mon seul organe pour jouir de la beauté, ne pouvait s'appliquer à elle, en vertu de la loi inévitable qui veut qu'on ne puisse imaginer que ce qui est absent. Et voici que soudain, l'effet de cette dure loi s'était trouvé neutralisé, suspendu par un expédient merveilleux de la nature qui avait fait miroiter une sensation, bruit de la fourchette et du marteau, même titre de livre, etc., à la fois dans le passé, ce qui permettait à mon imagination de la goûter, et dans le présent, où l'ébranlement effectif de mes sens par le bruit, le contact du linge, etc., avait ajouté au rêve de l'imagination ce dont ils sont habituellement dépourvus, l'idée d'existence. Et grâce à ce subterfuge, avait permis à mon être d'obtenir, d'isoler, d'immobiliser la durée d'un éclair, ce qu'il n'appréhende jamais, un peu de temps à l'état pur. L'être qui était rené en moi quand, avec un tel frémissement de bonheur, j'avais entendu le bruit commun à la fois à la cuillère qui touche l'assiette et au marteau qui frappe sur la roue, à l'inégalité pour les pas des pavés de la cour Guermantes et du baptistère de Saint-Marc, etc., cet être-là ne se nourrit que de l'essence des choses. En elle seulement, il trouve sa subsistance, ses délices. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et nous parlons de Proust cette semaine sur les chemins de la philosophie. Proust et les philosophes, ce matin, on se demande en compagnie du professeur de littérature française Luc Fraisse si Proust était un philosophe raté. En d'autres termes, aurait-il aimé poursuivre des études de philosophie, devenir philosophe, lui qui est devenu romancier? Pour illustrer et pour tenter de répondre à cette question, nous avons donc entendu ce texte, cet extrait du Temps retrouvé de Marcel Proust, lu par Guillaume Gallienne. Avant de procéder à l'analyse, Luc Fraisse, narration d'abord, description. Alors je vais pas vous demander de résumer la recherche du temps perdu, mais l'événement que nous venons d'entendre est absolument clé et déterminant dans le développement même du roman. Est-ce que vous voulez nous contextualiser cette scène-là? Oui, tout à fait. Nous trouvons donc dans le temps retrouvé et il va se passer pour la seconde fois, puisqu'il n'y en a que deux, dans La recherche du temps perdu, la même chose qui s'était passée au 2600, peut-être pages plus tôt, au début du côté de chez Swann, avec l'épisode de la Madeleine, c'est-à-dire que le héros assez vieilli arrive découragé à une grande réception mondaine. Il aurait toujours voulu devenir écrivain à l'âge qu'il a maintenant, malade, il y a peu de chances qu'il le devienne, et à ce moment-là, en trébuchant sur deux pavés inégaux, eh bien, il est envahi d'une joie extraordinaire, et il met un moment à comprendre qu'il croit avoir revu Venise autour de lui, parce qu'il avait trébuché de la même manière dans le baptistère Saint-Marc de Venise. Alors, au passage, bon, on entend là en même temps des passages assez théoriques, et il faut se représenter, et on les a entendus contextualisés avec des bruits dans le téléfilm de Nina, ouais, Companès. C'est ça, et donc, exactement. Il faut se rendre compte la difficulté qu'il y a à porter à l'écran Proust à cause de cela, et la même difficulté qu'a rencontré le génial Stéphane Heué pour faire sa bande dessinée qu'on peut vraiment recommander parce qu'elle est extraordinairement bien informée, extraordinairement bien faite, mais pour faire entrer dans des bulles la pensée de Proust, voilà, on pourrait faire un livre sur la philosophie en bulles. Bon, et donc, alors, en fait, oui, alors ce passage bien sûr est assez qu'ancien, puisque... Ancien. Oui, ah mais oui, osons le dire. Alors allez-y. Lâchons le mot, non, pour une raison très simple, si vous voulez, c'est que tout d'un coup, c'est un peu c'est le moi nouménal qui apparaît ici, c'est-à-dire ce moi profond du nous, il parle de l'essence, c'est ça. Proust. Cette phrase ne se nourrit que de l'essence, voilà, des choses. Exactement. Oui, mais justement, toute la philosophie de Kant vise à montrer qu'on n'a jamais accès à l'essence des choses. Eh bien là, si, quand même, y compris Proust pense comme Freud, qui ne connaît pas trop, mais qu'on peut avoir accès à l'inconscient, alors que Kant avait dit, puisque c'est inconscient, par définition, on sait que ça existe, mais on ne pourra pas l'apercevoir. Et donc, non, parce que justement, c'est cette joie liée au sentiment d'une sorte d'intangibilité, d'éternité du moi, qui rend... Alors là, il y a aussi une dimension affective très forte, et on l'a plus si on lit La recherche du temps perdu, plutôt au milieu de son âge qu'à l'aube de son existence. Parce que, si vous voulez, il y a l'idée que tous ceux qu'on a perdus, tous les chagrins des deuils, toutes les déceptions de l'existence, si vous voulez, sont rachetés dans cette joie, parce qu'au fond, on est habité par un moi qui contient toutes les époques de sa vie. Et c'est comme ça que tout ce qu'on a perdu, on l'a avec soi, grâce à ce moi permanent, profond, qui tout d'un coup fait surface au moment de ces épisodes. Et en même temps, on entend le narrateur dire que ça lui donne l'idée d'existence. Autrement dit, alors je ne sais pas si l'existence précède l'essence, mais en tout cas, il y a chez Proust, c'est ça pour ça qu'il y a un roman, une philosophie existentielle. Pas une philosophie existentialiste, mais cette philosophie existentielle qui s'est développée au milieu du XXe siècle, genre Jean Kelevitch, etc., où les philosophes se demandaient qu'est-ce qu'être amoureux? Qu'est-ce que s'ennuyer? On va décrire cette expérience, voyez. Et il y a une philosophie existentielle chez Proust, et c'est pourquoi il a besoin du roman pour nous faire réfléchir à nos situations quotidiennes, car l'expérience du héros est très quotidienne. Enfin, c'est cette expérience de mémoire involontaire, on se tord le pied parce qu'il y a des pavés inégaux. Donc voilà. Mais là, on est quand même bien loin de Kant. En fait, si Kant est présent, c'est plus en référence lointaine liée à son époque, parce que Kant, à l'époque où Proust étudie, Kant est extrêmement enseigné, ah oui, à l'université. C'est peut-être, oui, de cette manière-là qu'il est imprégné de la philosophie de Kant. D'ailleurs, au point que quand j'avais fait cette enquête sur sa culture philosophique, j'ai vraiment eu le sentiment, et on n'a pas, parce qu'on n'en a pas de preuve, que Proust n'avait pas eu besoin de lire l'œuvre de Kant, parce qu'elle lui était enseignée. Kant était considéré dans les dernières décennies du XIXe siècle comme l'architecture de la philosophie. Les différentes critiques de Kant, et ensuite c'est très structuré Kant, n'est-ce pas, ont considéré que c'était la forme même de l'esprit. Et là, nous avons une petite anecdote, c'est que vers la fin de sa vie, Proust est abordé par un jeune aristocrate très cultivé, Louis Gauthier Vignal, ce genre d'aristocrate très raffiné qui parcourait toutes les villes d'art pour voir des expositions, pour entendre des concerts, et Louis Gauthier Vignal était passionné de Kant. Et Je pense qu'on retrouverait dans les archives de France Culture le récit qu'il a fait à haute voix et qu'il a consigné aussi dans un livre. Il est venu se mettre au pied du lit de Proust, la critique de la raison pure en main, en la lui expliquant. Et donc, comme Proust s'émerveille et lui dit « Ah !», on mesure là la politesse de Proust, parce que quand même, quand il a préparé sa licence de lettres à option philosophie à la Sorbonne, on a le cours qui lui a été délivré d'Émile Boutroux, qui était la philosophie de Kant. Et je ne parle pas des manuels qu'il a consultés et du cours de Darlu. Il y a un cahier entier consacré, de gens qui ont pris des notes dans ses cours, consacré à la philosophie de Kant. Donc effectivement, il était très impédié. Mais là, vous voyez, il y a quand même aussi cette joie indicible. Ça, c'est plutôt... Il n'y a guère que Spinoza, je crois, qui est isolé le concept de joie. Et pour Proust, justement, ce genre d'expérience, qui est une expérience fondée sur des sensations. C'est ça. La saveur d'une madeleine, la sensation tactile d'un pied entre deux pavés. Le bruit de la couvert sur une assiette. Exactement, tout à fait. Et qui produit instantanément une félicité, une joie extraordinaire. Et c'est pour ça que Proust a besoin du roman, parce que la philosophie, ça s'éprouve, ça se sent, ça se met à l'épreuve de la vie. Bergson parle toujours, il dit que notre moi s'est formé par notre passé individuel, notre histoire personnelle. Mais comme Bergson écrit un traité de philosophie, quand il a dit ça, il est obligé de s'arrêter. Tandis que Proust, il peut développer l'histoire personnelle et montrer comment le moi se constitue à travers cette histoire personnelle. Et c'est pour ça que, décidément, il ne fera pas comme Fernand Greg, il sera romancier. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire dans le texte qu'on a entendu, c'est qu'il décrit comment, le temps d'un éclair, dit-il, il parvient à saisir un peu de temps à l'état pur. Oui. Et le fait d'avoir accès, de pouvoir appréhender le réel à travers ce temps à l'état pur est une expérience qui paraît presque infaisable. C'est presque comme un fantasme même de philosophe que de saisir le temps à l'état pur. Oui, et d'ailleurs... C'est ce que découvrira tout de suite après ce même héros qui va arriver chez la princesse de Guermantes. Il s'est pas foulé le pied visiblement, et on l'introduit dans une bibliothèque, lui hautement symbolique, puisque on joue un concert. Il y a un moment musical dans le salon de la princesse de Guermantes. Et c'est à ce moment-là que, avec ses épisodes de mémoire involontaire et en reprenant celui de la Madeleine, eh bien, il découvre que l'œuvre qu'il voulait écrire, maintenant, il en a le sujet, et c'est un sujet très difficile, puisque c'est de rendre la substance invisible du temps. Donc, comment saisir la substance invisible du temps? Et donc, il ne peut la saisir que par ses effets. Il va entrer dans le salon, les portes vont s'ouvrir, il y aura ce que Proust appelle un bal de tête, parce que d'abord, il a l'impression que tous ses personnages, il a été dans une maison de santé, plusieurs maisons de santé pendant des années, et donc, il a l'impression qu'ils se sont grimés. On ne lui a pas dit que c'était un bal masqué. Et en fait, il comprend que ce sont les stigmates du temps qu'ils portent sur leur figure. C'est les personnes qu'ils connaissent depuis des années, mais qui ont vieilli. Et de même que Freud répondait à Kant que oui, l'inconscient étant inconscient, on ne peut pas s'y promener avec la conscience. Seulement l'inconscient s'exprime par des symptômes. Et ces symptômes, la conscience peut les voir. De même, si vous voulez, pour Proust, oui, la substance du temps est invisible, mais du fait qu'elle imprime des stigmates, eh bien ces stigmates entrent dans notre champ visuel. C'est un peu le même genre de raisonnement. C'est ça, ça veut dire que chez Proust, ça part d'abord, cette expérience-là, cet accès au temps à l'état pur, passe par la sensation. Oui. Ah oui, c'est extrêmement important, et même avec une hiérarchie des sensations que d'ailleurs là Proust reprend à la psychologie. Il faut rappeler que la psychologie est en plein développement à l'époque, et que la psychologie devient la quatrième partie de la philosophie, à côté de la morale, de la logique et de la métaphysique à cette époque-là. Et effectivement, on dit notamment, ce qui est bien dit dans l'épisode de la Madeleine, c'est que il y a des sens qui sont plus intellectuels que d'autres, et notamment la vue. On le voit justement avec le verbe que j'emploie, quand on dit « vous voyez, vous apercevez », nous voyons constamment autour de nous. Tandis que le goût, la saveur, une sensation olfactive, un toucher très particulier... Et l'ouïe, sont des sens beaucoup moins intellectuels. Et justement, pour Proust, il privilégie comme conducteur de mémoire les sens qui sont les plus... enfoncé dans la saveur du monde. parce que c'est là que le souvenir va pouvoir s'enclencher. Il dit très bien, la vue des petites madeleines ne m'avait rien suggéré parce que j'en avais revu depuis, mais le goût, je n'y avais plus jamais goûté. Donc à ce moment-là, on voit cette supériorité de la sensation pure par rapport à la vue. Donc là où Proust est vraiment philosophe, c'est quand il se détourne de l'influence philosophique et de ses lectures et de ses dissertations philosophiques et qu'il prête attention à ses sens. Vous savez, à propos d'éclectisme, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que quand on a parcouru, c'est assez long d'ailleurs, tout ce que Proust a connu en matière de philosophie, il y a des allusions à des philosophes qui parsèment toute la recherche du temps perdu. Mais ce sont des reflets. Et il a une manière de faire qui est que, tout d'un coup, on vient de lire une phrase et on commence à apercevoir la figure de Kant, la figure de Bergson, la figure de Platon, la figure d'Aristote. Et au moment où on aperçoit cette figure, elle se dissout. Elle s'évapore. Hein. Des reflets, vous dites. Des reflets, oui, tout à fait. Dans la mort de Bergotte, par ailleurs, à propos de la musique de Vinteuil, La patrie perdue. Hein. Donc, ça évoque tout à fait le mythe de la caverne chez Platon. Mais en même temps qu'on y pense, le récit trouve le moyen de prendre une autre direction pour ne pas s'inféoder à un philosophe particulier. Proust ne se met pas sous tutelle, c'est un romancier. Parce qu'il connaît très bien ce qu'est l'objet de l'art. Quel est l'objet de l'art? Si la réalité venait frapper directement nos sens et notre conscience, et si nous pouvions entrer en communication immédiate avec les choses et avec nous-mêmes, je crois bien que l'art serait inutile, ou plutôt que nous serions tous artistes, car notre âme vibrerait alors continuellement à l'unisson de la nature. Vous venez d'entendre l'unique archive de la voix d'Henri Bergson, hein, enregistrée en 1936, oui, Luc. Et qui était d'ailleurs, paradoxalement, l'essai qu'on a fait dans son bureau. C'est ça. Pour ensuite enregistrer sa voix, et on n'a pas cet enregistrement, on n'a que l'essai. Voilà, c'était un essai de voix, et je peux vous dire, ça fait quotidiennement, nous faisons ici des essais de voix, ils sont rarement de cette qualité. Je suis ravie qu'on puisse l'entendre ce matin. Alors, vous entendez ce qu'il dit, quel est l'objet de l'art, justement? En gros, ce que dit Bergson, c'est que si nous avions un rapport direct au réel, nous serions tous artistes. Finalement. C'est-à-dire que nous pourrions tous traduire par l'essence et par l'art cet accès que nous avons. Or, ce que dit Proust justement, c'est plutôt la question que je vous pose, Luc Fraisse, est-ce que Proust s'inscrit dans ce que dit Bergson ou est-ce qu'ils s'en distinguent justement? Alors, il a ce grand point commun avec Bergson, alors pas seulement d'être son cousin par alliance et d'avoir fait la quête au mariage de Bergson, puisqu'il était le petit cousin, il y a un livre très spirituel de René Étiamble qui cite toute une kyrielle de gens qui disent, vous savez, il y a un lien philosophique très fort entre Proust et Bergson, et d'ailleurs il faut que vous sachiez que Proust faisait la quête au mariage de Bergson, comme si ça transportait un cerveau dans l'autre, parce qu'on a fait la quête dans les rangées de en l'occurrence d'une synagogue. Mais il y a un autre lien commun à Proust et Bergson, qui vont se retrouver là le même jour pour la même raison, c'est qu'ils viennent tous les deux chercher le lecteur, l'auditeur, l'autre, là où il se trouve. Bergson avait une popularité extraordinaire, on sait, au Collège de France. Et il s'en est excusé dans la presse et il disait « Ce n'est pas du tout de la facilité, je fais un vrai cours de philosophie, comme on en fait, mais je crois que si ces gens viennent là, c'est parce que je leur parle d'eux. » Et effectivement, Proust aussi, même si il a une subtilité d'analyse tout à fait extraordinaire, chaque lecteur est, quand il lit, le propre lecteur de soi-même, dit-il dans Le Temps retrouvé, et donc il vient chercher le lecteur là où il est. Et là, il y a vraiment quelque chose qui est tout à fait commun. Alors, le rapport entre ces deux cousins est très complexe, parce qu'évidemment, ils se sont retrouvés presque en rivalité. Bergson, je l'ai dit, connaît une sorte d'acmé en matière de gloire en 1912. Il y a plusieurs livres qui lui sont consacrés. On en parle dans la presse tout le temps. Il serait venu à France Culture si cette possibilité lui avait été ouverte, n'est-ce pas? Il aurait été invité. J'en suis sûr. Et même pour d'ailleurs, on en parle beaucoup ici. Même une semaine entière. Voilà, vous vous rattrapez de jour en jour. Et donc, si vous voulez, et toutefois, Proust en fait l'a discuté deux fois. La La veille de la parution de Du côté de chez Swann a donc lieu une entrevue avec Élie-Joseph Bois pour le journal Le Temps, ça va bien, et donc il est venu le voir. Et d'ailleurs, Élie-Joseph Bois a cette très belle image. Lui, il n'est pas du tout comme Algot Roux, il entre pourtant dans la même chambre avec la même gouvernante et le même appartement. Et il dit, quand on entrait dans cette chambre, comme elle était entièrement recouverte de liège, il y avait un silence complet. Et on se disait, on voyait Proust à côté juste d'une lampe de chevet, et il dit qu'on avait le sentiment que le monde entier, et Paris pour commencer, était en rotation autour de cette chambre silencieuse, et que cette lampe représentait une pensée unique qui était en train de travailler dans la nuit de ce monde environnant. Puisque vous décrivez la chambre de Proust, allons-y franchement dans cette chambre. Voici la description de cette chambre par la gouvernante dévouée de Proust, Céleste Albaret. Quand j'arrivai pour la première fois dans la chambre de Proust, je fus un petit peu émue, étonnée, car c'était tellement pour moi une grande surprise. Parce que j'ai eu l'impression, comme il avait une chambre de liège, avec du liège complètement nu, où on se serait cru rentrer dans une espèce de carrière de mine. Et alors, il était là, dans cette pièce, tout seul, entouré de tous ses livres, où on ne s'apercevait plus de rien que de lui-même, tellement son regard et sa façon d'être étaient tout à fait particuliers. Marcel Proust vivait complètement allongé, presque tout le temps, et ne se levait que pour sortir, pour faire des visites à toutes ses relations qu'il avait fort nombreuses. Et alors, quand il rentrait de ses visites ou qu'il était chez lui, restait allongé et travaillait toujours à son lit, avec une table de chevet chargée de ses notes et de ses livres et un petit plateau qui lui servait son petit déjeuner car il mangeait très peu et prenait très peu de choses dans la journée. Voilà qui alimente le mythe de Proust, mais reclus dans sa tour d'ivoire, Luc Fraisse. Mais oui, et cette pensée qui travaille avec une puissance qui n'a d'égal que le silence, l'isolement. En cela, d'ailleurs, il fait penser à Kant, qui lui-même était connu pour rester cloîtré dans sa chambre à travailler, ne sortir que pour dîner avec ses convives. Tout à fait. Alors, peut-être que la vie de Proust était moins réglée comme une horloge qu'on le dit de la vie de Kant, mais enfin quand même. Et pour cette raison-là, les deux cousins, Proust et Bergson, se sont toujours vus à distance. Alors, il y a des aspects entre les deux qui ne marchent pas trop, qui sont assez incompatibles. Dans cette entrevue à Élie-Joseph Bois, Proust dit que ces deux mémoires sont incompatibles, elles sont contredites, elles contredisent du moins celles de Bergson. Et donc, dans le passage de Sodome et Gomorre où il y a le fameux philosophe norvégien, eh bien, Proust conteste l'idée de Bergson qu'on conserve les souvenirs qu'on a oubliés, parce qu'il dit qu'est-ce qu'un souvenir qu'on ne se rappelle pas. Et donc, ils sont malgré tout souvent en opposition. Et c'est vrai que le souvenir habitude et le souvenir image de Bergson, que Proust a connu, qu'a lu très précisément dans Matière et mémoire, sont plus différents qu'on ne le croit de la mémoire volontaire et de la mémoire involontaire chez... Alors dites-nous chez pourquoi ? Parce que là, vous allez vite, il faut avoir en tête et Matière et mémoire et La recherche du temps perdu pour ce livre. Alors donc, on vient à peine de commencer du côté de chez Swann, quand une quarantaine de pages après le début du premier chapitre, Combray, eh bien, tout d'un coup, on quitte l'enfance du héros, c'est le narrateur adulte qui prend la parole, et par un jour gris, à Paris, eh bien, il rentre trouvant qu'en fait toute sa vie est grise. Et donc on lui propose du thé. Et après avoir dit non, il ne sait pourquoi, il se ravise et il en prend contre son habitude. On adjoint à ce thé des madeleines et à sa grande surprise, lorsque il goûte un morceau de madeleine, il est inondé de cette joie qu'on verra et qu'on a vu nous dans Le Temps retrouvé à nouveau décrite. Et à ce moment-là, tout le village de Combray de son enfant lui est rendu et est sorti, comme il dit, ville et jardin, de sa tasse de thé. Donc il y a cette idée chez Proust que d'habitude nous faisons usage d'une mémoire volontaire, mais qui est toujours tronquée. Et par ailleurs, qui n'est pas exactement authentique, puisqu'on ne laisse pas le souvenir venir à soi, on va chercher des souvenirs. Donc on choisit celui-ci, qu'est-ce qui dit que celui d'à côté n'était pas beaucoup plus riche ? C'est-à-dire que la mémoire involontaire, elle vous saute dessus. Et donc, si elle s'impose, c'est, comme il dit, la griffe de son authenticité. Alors, Bergson, lui, il a aussi deux mémoires. Et évidemment, on a dit, bon, il y a deux mémoires de chaque côté. Par ailleurs, chez les deux, il y en a une qui est meilleure que l'autre. Et on a dit, le souvenir image de Bergson, c'est la mémoire involontaire de Proust. Alors c'est pas ça, parce que Bergson dit j'apprends un poème par cœur. Mm-hmm. Alors je le lis, je le relis, je le relis. Une fois que je le sais par cœur, je peux m'en souvenir. On dit que je m'en souviens, mais ce sont deux opérations complètement différentes. Ou bien je le récite par cœur. Les Grecs diraient apostomatos, c'est-à-dire de la bouche. On n'a même pas besoin de penser, c'est mécanique. Et Bergson, c'est ce qu'il appelle le souvenir habitude. Mm-hmm. Ou bien, je vais me dire, je veux revoir le contexte de ma première lecture de ce poème. Il se passait des choses autour, c'est un moment vécu. Et puis la deuxième lecture, et la troisième. On dit toujours qu'on se rappelle, mais est-ce bien la même chose? Ce n'est pas la même mémoire, et c'est ce que Bergson appelle les souvenirs-images. Alors on voit que les deux ont une théorie très intéressante de la mémoire, mais qu'en fait, on ne peut pas faire coïncider leurs deux mémoires. En revanche, ils se rejoignent sur bien des points. Il ne faut pas oublier que quand Bergson lit « À l'ombre des jeunes filles en fleurs », il lui écrit une lettre lui disant son admiration, et lui disant « Votre roman, c'est une vue directe et continue sur notre vie intérieure ». Et quand on lit Bergson, il faut quand même signaler qu'une vue directe et continue sur la vie intérieure, c'est le but même de toute sa philosophie. Oui, ils ont quand même en commun, ce qu'on trouve chez Bergson, cette idée que le moi, justement, les différentes couches, les différentes successions du moi qui nous habitent, ces visiteurs qui peuvent revenir à notre conscience, justement, tout à fait, au présent. Tout à fait. Alors ce qu'il y a, c'est que Bergson insiste beaucoup sur ce qui empêche justement ces visites dont vous parlez. Et donc, il y a chez Bergson un intérêt porté à l'attention vers l'utile, à la nécessité de la vie pratique, si vous voulez, qui ne se pose guère chez Proust. Par ailleurs, Bergson est plus anti-intellectualiste quand même que Proust. Il y a un procès assez sévère du langage chez Bergson, qui récuse par exemple le verbe « représenter ». Il dit « on ne devrait pas dire qu'on représente, on devrait dire qu'on présente ». Pour que ce soit authentique. À partir de là... C'est parce que Bergson privilégie l'intuition sur l'intelligence. Oui, tout à fait, et sur l'analyse. Et donc, il y a ce procès du langage jusque dans les métaphores qui sont du côté de l'intellect, même la métaphore. Emmanuel Lévinas, plus tard, dira exactement le contraire. Justement, l'intérêt de la métaphore, c'est de court-circuiter l'intelligence pour retrouver la réalité. Avant que l'intelligence ait fait une métaphore qui catapulte deux choses l'une contre l'autre, ça permet que l'intelligence n'ait pas eu le temps, même si elle a cours, elle arrivera après la bataille et on aura restitué la réalité. Pour Bergson, la métaphore fait partie des jeux du langage. Le langage est une réappropriation du réel qui a pour grand défaut, aux yeux de Bergson, de confondre ses propres catégories avec ce qu'elle aperçoit. On ne voit pas les choses elles-mêmes, on voit les étiquettes qu'on a posées sur elles. Voilà, exactement. Et donc ça, évidemment, c'est une très grande différence. Mais quand même, dans un traité après la mort de Proust, La pensée et le mouvant, Bergson rendra un hommage à titre posthume pour Proust, disant « Personne avant lui ne s'était avancé aussi loin dans la recherche du temps perdu ». Et il nous dira d'ailleurs pourquoi... Au fond, il suggérera pourquoi Proust a choisi le roman et pourquoi il aurait pu choisir la philosophie. Parce qu'il dit, souvent les écrivains ont devancé les philosophes, c'est-à-dire qu'ils ont, par leur mode propre, dégagé des réalités de l'expérience vécue que la philosophie n'avait pas su apercevoir. Donc, ils ont pour eux cette avance, mais ils ont contre eux que ça n'est pas systématisé. Mmh. Et puis, ça n'est pas pensé comme une avancée dans la connaissance de la vie. C'était pas le but. Et donc, il y a cette concurrence entre la littérature et la philosophie, y compris pour leur vitesse. On sait que Bergson est hanté par Achille et la tortue, puisque c'est ça qui lui a donné l'idée, les Éléates, les Énondélées, c'est ça qui lui a donné l'idée de faire le procès de l'analyse, qui découpe artificiellement. Et donc, on voit, au fond, cette concurrence entre la littérature et la philosophie que Bergson, 12 ans après la mort de Proust, dit très bien. Alors Bergson dit qu'il ne faut pas représenter mais présenter, alors faut-il lire ou relire Proust ? Je crois que Proust est plutôt un livre de relecture que de lecture. Il faut l'avoir lu d'abord tout entier, s'y être perdu, l'avoir peut-être détesté à certains moments, l'avoir rejeté, l'avoir repris, l'avoir rejeté, l'avoir repris. Puis après, on prend Proust, on l'ouvre, on commence à lire une phrase et on suit, et généralement on va jusqu'au bout. En tout cas pour moi c'est l'expérience que je fais chaque fois. bouleversé le témoignage de l'écrivain Jean Giono en 1965. Mmh. Luc Fraisse, qui parle donc de relecture. C'est très intéressant parce que on se demande, lorsqu'il dit cela, de quel côté il se situe, puisque vous distinguiez Bergson et Proust, en pointant leur similitude, mais aussi leur différence. Ce que dit Giono, c'est que finalement, c'est une question que nous sommes beaucoup à nous poser, qu'on ait lu ou pas La Recherche d'ailleurs, c'est comment fait-on pour vivre avec ce texte? Comment fait-on pour continuer à le lire quand il nous rejette? Et comment fait-on pour continuer à l'aimer quand nous changeons et que finalement, c'est des facettes différentes de ce texte qui nous parlent? Et Giono dit, finalement, c'est dans la relecture que Proust vit, comme s'il fallait plus d'une fois pour accéder à cette expérience que Proust souhaite créer chez son lecteur. Alors d'une part, il y a un an à peu près, j'ai pu approcher la fille de Giono, et donc j'en ai profité pour lui demander au fond ce que... Ouais. Puisque vous voulez une réponse, pour une fois on peut en avoir, souvent on se pose des questions, puis les gens sont plus là. Mais là au contraire, et donc elle m'avait dit, il admirait profondément Proust, mais il était gêné par cette distance sociale, parce que le mode de vie de Giono, les Alpes de Haute-Provence, et puis là, les salons des Guermantes et autres chez Proust. Donc c'est quand même très différent. Vous avez fait un livre sur le snobisme, hein, il y a quelques années. Je rappelle, parce que, après tout, vous faites partie de l'émission. De ce point de vue-là. Alors, pour ce qui est de relire, alors, entre autres, justement, on a fait le parallèle avec une phrase une indication de Schopenhauer en tête du monde comme volonté, comme représentation, qui dit que, comme la parole est successive, on ne peut pas rendre d'un coup la cohésion du tout. Et donc, bien que son traité fasse quand même 1500 pages en 3 volumes, le monde comme volonté, comme représentation, il dit qu'il doit donner ce conseil au lecteur, c'est qu'il faut lire son livre deux fois. La première fois pour avancer empiriquement et la seconde fois pour voir toutes les choses se mettre à leur place. La Recherche du temps perdu y invite parce que c'est une œuvre cyclique. C'est une œuvre cyclique puisqu'à la fin, le héros devient narrateur et décide d'écrire un livre. La grande question étant d'ailleurs, parce que c'est fait pour qu'on trouve ça évident, mais ça n'est pas évident, de savoir si le livre qu'écrira le héros, c'est La Recherche du temps perdu qu'on vient de terminer, ou bien c'est un cycle à boucle parfaite, ou bien La Recherche du temps perdu, c'est peut-être ce qu'il y a de plus étrange dans ce roman, c'est que c'est l'histoire de la préparation d'un livre. Et puis, la préparation se clôt, et le héros est lancé dans un avenir hors fiction, et il passera ses dernières années à écrire un autre livre, dont nous avons connu dans La Recherche du temps perdu, la préparation. On ne sait pas ça. Mais alors, pour ce qui est de... Parce que Proust meurt très très rapidement après. Oui, très rapidement, mais même, on ne sait pas comment c'est structuré, et on ne sait pas finalement si le narrateur écrira, le héros écrira le livre que le narrateur vient de terminer. Tout est fait pour que on le voit rentrer de cette matinée chez la princesse de Guermantes et écrire longtemps « Je me suis couché de bonheur », qui est la première phrase de Du côté de chez Swann, mais en fait, rien n'autorise nommément. Mais alors, pour ce qui est de l'expérience de Giono, vous savez, pour ce centenaire de la mort de Proust cette année, bien sûr que France Culture célèbre, on peut dire, de manière fastueuse, j'ai préparé un numéro de revue qui paraîtra à l'automne, demande à toute une série d'écrivains actuels comment ils ont lu Proust. Mmh. Et ils ressemblent beaucoup à Giono, et ils ressemblent aussi plus modestement aux non-écrivains, c'est-à-dire que souvent, on a commencé à lire Proust et on s'est arrêté. Ça m'est arrivé à moi-même. Oui. On est immergé dans un monde tout à fait extraordinaire. Et donc, on commence et on s'arrête. C'est une expérience classique pour lire Proust. En revanche, par la suite, souvent, ce qui se passe, c'est que la personne qui s'était arrêtée par découragement l'ouvre au hasard. Tombe sur une scène immédiatement intelligible. Il y a beaucoup de comiques chez Proust. Ça, c'est vrai. Et la philosophie donne lieu, qui le croirait, quand il y a quelques mentions de philosophes dans La Recherche du temps perdu, généralement pour rire à cette occasion. Et donc, à ce moment-là, tout d'un coup, les gens ouvrent un deuxième, un troisième passage, au hasard, et à ce moment-là, ils se disent, enfin, quand même, tout ça me plaît, je vais recommencer à Du côté de chez Swann. Donc, l'expérience de Giono est une expérience partagée, je peux vous le dire, et on le lira à l'automne, par beaucoup d'écrivains, y compris d'écrivains de 2022, et quand même par beaucoup de lecteurs, et sans doute, il y a parmi vos auditeurs, des gens qui sont en train de se dire, c'est vrai que c'est comme ça que j'ai fait moi aussi. Mais alors justement, est-ce que vous pensez qu'il y a, par exemple, il y a un âge plus propice qu'un autre pour lire La Recherche du temps perdu ? Alors, on pourrait dire non parce que il y a des lectures adaptées à chaque âge. Comme je le disais tout à l'heure, il est certain que quand on fait lire des morceaux du côté de chez Swann à un élève de lycée, même à un étudiant de licence, la mémoire involontaire et l'émotion de retrouver intégralement une scène qu'on avait oubliée depuis 40 ans, ils n'en ont pas les moyens. Ah oui, mais ça peut arriver à 20 ans. On peut se souvenir de scènes de notre enfance. C'est vrai. C'est pas une question d'âge. On a, sauf les malheureux qui sont orphelins très tôt, mais si vous voulez, on n'a pas cette émotion de découvrir, de retoucher qu'on n'avait plus été en contact, un monde qu'on pensait être à jamais disparu. Et il est certain, d'ailleurs, les écrivains dont je parle là, dont les témoignages seront réunis, disent bien que souvent c'est dans la maturité au milieu de leur vie, dans la maturité où ils sont arrivés, qu'ils touchent vraiment davantage la recherche du temps perdu. Et bien sûr, à ce moment-là, il y a d'autres passages qui c'est parlent. Ça. Mais peut-être pourrait-on conseiller à l'auditeur qui n'arriverait pas à lire la recherche du temps perdu d'oublier la version, disons, linéaire et chronologique. On peut lire des extraits, on peut lire des scènes et ainsi entrer dans le texte. Exactement. Oui, tout à fait. Bon, pour évoquer d'un mot le comique, comment s'appelle-t-elle la sœur de Legrandin qui est devenue marquise de Cambremer jeune, et donc on dit qu'en même temps qu'elle lisait Lachelier et se convainc par snobisme intellectuel et qu'elle se convainquait de l'inanité du monde extérieur, et c'est l'idéalisme philosophique, et bien curieusement ce monde elle œuvrait avec acharnement à s'y faire une place. Donc voilà, c'est là qu'on voit apparaître Lachelier. Vous voyez, bon. Ouais. Et je conseille d'ailleurs notamment aux auditeurs la Recherche du temps perdu, lu en version audio aux éditions Télème, ce qui permet d'écouter justement une scène puis une autre et permet de se familiariser avec ce texte. Vous parliez, Luc Fraisse, de l'hommage que rend France Culture justement pour cette année spéciale Proust. Je rappelle qu'il y a un podcast spécial Marcel Proust, une collection d'émissions. À ce jour, on est à 46 épisodes qu'on peut retrouver sur le site de franceculture.fr et sur l'application Radio France. Proust d'un point de vue, le point de vue de la littérature, la géographie, la diplomatie, la pensée, etc. Et donc, cette semaine sur les chemins de la philosophie, grâce à vous, donc cette première émission, Luc Fraisse, merci infiniment d'être venu ce matin. Moi qui vous remercie. Je renvoie à votre livre « L'éclectisme philosophique » de Marcel Proust, ainsi qu'à tous les autres. Il y en a plus d'une dizaine, on les mettra en ligne sur le site de France Culture. Et vous avez une parution à l'automne prochain des dissertations de Proust. Voilà, qui ont été retrouvées dans les archives de Bernard de Fallois, l'éditeur qui est mort en janvier 2018. Et donc, il avait beaucoup de papiers scolaires de Proust. Et donc, j'ai réuni ses dissertations, à vrai dire, ses rédactions et dissertations littéraires de philosophie. Et puis, des écrits qui voisinent, et j'ai appelé ça de l'écolier à l'écrivain. Eh bien, on a hâte de vous lire. Merci Luc Fraisse. Merci à vous. Avec Jean Cocteau. Proust possédait le théâtrophone. C'est un appareil qui doit être incompréhensible aujourd'hui. C'était une radio avant la lettre. Une sorte de monstre, de pieuvre formé de tuyaux acoustiques, et on y entendait l'opéra et l'opéra comique. Il écoutait souvent Péléas. Et un jour, il me dit: j'ai eu une grosse crise hier parce que j'ai écouté Péléas. J'ai eu cette crise au moment où le vent du printemps passe. Il disait, je vais essayer de vous imiter sa voix. Oh, mon cher Jean, j'ai eu une grosse crise au moment où le vent du printemps passe sur la mer. Il faut que ce soit un grand navire. Les lumières sont très hautes. Le feront tout à l'heure quand il entrera dans la bande des quartiers. Si nous pouvons le voir, il est encore sur la mer. On dirait que la brume s'élève lentement. Et j'aperçois là-bas une petite lumière que je ne pouvais pas vivre. C'est un phare. Il y a la douleur. Voyons pas encore. Le navire est dans les pères. Il est toujours bien loin. Il s'éloigne à toutes voiles. Ce navire qui m'a mené ici, il a de grandes voiles. Je ne connais pas ses voiles. S'il aura mauvaise mer, c'est lui. Péléas et Mélisande de vous êtes dans la pièce de Maurice Maeterlinck justement sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie, pour accueillir Frédéric Worms et sa chronique quotidienne de philosophie, Le Pourquoi du Comment. Comment peut-on être juste ? Le mot justice désigne plusieurs choses qu'on a tendance à séparer et qu'on a du mal à relier, et pourtant il faut absolument le faire. Le mot justice désigne d'abord une institution politique, parmi d'autres dans, par exemple, le système démocratique, mais dans tous les États, quels qu'ils soient, au fond, c'est la capacité à arbitrer des conflits entre les citoyens. Il désigne aussi le principe selon lequel on produit ces arbitrages. La justice, alors, c'est une idée morale et politique qu'il faut démontrer, sur lesquels il y a des théories qui s'opposent. Et finalement, dans la justice, comme système judiciaire, on applique la justice comme principe moral et politique. Et cela paraît être le tout de la justice. Il n'y a pas d'autre usage du mot justice, au fond, en français. Mais il y a quand même un usage très curieux, un usage pour lequel on utilise moins le substantif « la justice » que l'adjectif « être juste » et son contraire « injuste » qui caractérise non pas des systèmes abstraits ou des principes théoriques, mais des êtres humains dans leur action et dans l'estime ou non qu'on leur porte. On dit que quelqu'un est juste ou injuste. On caractérise ainsi son action. Cela désigne ce qu'on appelle une vertu de justice qui est peut-être la vertu la plus haute de toutes. Et il faut se demander pourquoi est-il si difficile d'être juste avec cet étrange usage du verbe être qui nous attribue comme une caractéristique de nous-mêmes, une caractéristique très profonde, une qualité morale ou son contraire, une qualité immorale, car il y a aussi des êtres profondément injustes, pensons-nous souvent. Et cette vertu de justice est peut-être le pilier caché, la condition des deux autres sens du mot, du système politique dans son ensemble et du système judiciaire en particulier, et notamment chez le magistrat. Mais pourquoi est-il si difficile d'être juste ? Pourquoi la justice a-t-elle toujours été considérée comme la plus haute et la plus redoutable des vertus ? Il est très simple de le comprendre à partir de la fonction du système de justice dans nos sociétés qui consiste à régler les conflits et à distribuer les parts, à attribuer à chacun ses parts, et donc finalement aussi à soi-même, quand on est soi-même le sujet de l'action, le sujet de la justice dans une action, quand je dois faire quelque chose dans un conflit, je suis juge et partie, et quand je dois distribuer des parts dont la mienne, parce que je fais partie du système dont je suis un acteur, eh bien je dois, en un certain sens, faire abstraction de moi-même. La difficulté de la justice consiste à la fois à sortir de soi-même et en même temps à faire de cette sortie de soi-même une propriété de nous-mêmes, à incarner la justice dans un rapport à soi plus profond que l'égoïsme et par opposition à lui. On comprend alors que être juste soit ce qu'il y a de plus difficile et de plus nécessaire. S'il n'y avait pas d'être juste capable de sacrifier une partie d'eux-mêmes, et parfois jusqu'à la mort, comme on parle des justes avec une majuscule, qui ont parfois au risque de leur vie sauvé la vie de quelqu'un d'autre, s'il n'y avait pas cette vertu de justice, pourrait-il y avoir encore le système politique dans son ensemble ? Les lois pourraient-elles, comme disait Rousseau, survivre sans les mœurs et la justice sans la vertu ? Même le magistrat ne peut pas appliquer automatiquement la règle formelle, il doit aussi faire preuve de sa justice. Merci beaucoup Frédéric Worms, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site de France Culture. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Thaïs Éloi Hammer en compagnie de Jules Barbier, Manon Delasselle, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger réalise pour vous cette série d'émissions proustiennes. À la prise de son aujourd'hui, c'était, vous l'avez évidemment reconnu, Jean Frédérix. À la lecture des textes, Guillaume Gallienne. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre série autour de Proust et les philosophes. Demain, nous serons en compagnie d'Anne Simon qui vous expliquera comment Sartre, Merleau-Ponty, Deleuze et Barthes ont opéré un véritable trafic de Proust. Vous verrez, c'est demain à 10h. D'ici là, vous pouvez réécouter l'émission, vous pouvez la télécharger, la podcaster et nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. On est toujours ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.